Effectivement, Monsieur le Président, je dirais volontiers qu'avec Benoît Pierre et Cédric Michon, je suis peut-être ici une sorte de pontife, pas dit de souverain pontife, de jeteur de pont, puisque si Benoît Pierre et Cédric Michon avaient communiqué au colloque de l'île Tournai il y a 2 ans, personnellement, Bertrand Schnerp et Alain Marchandis m'avaient demandé d'en tirer les conclusions. Et voilà qu'aujourd'hui, pour cette communication, eh bien, je vous emmène en quelque sorte au seuil, pour ne pas dire dans l'antichambre de la période qui fait particulièrement l'objet de ce colloque, puisque c'est au 15e et tout début, mais petit début du 16e siècle que nous allons nous situer. Alors, dans un important ouvrage allemand consacré à l'histoire de l'administration, Deutsche Verwaltungsgeschichte, paru en 1983, l'historien du droit Dietmar Willoweit discerne 5 types d'ordonnances administratives au sens le plus large, en tête desquelles il place celle consacrée à la cour des princes, Hofordnungen. Alors, à l'expression correspondante en français, ordonnance de cour, à côté de Ratsordnungen, ordonnance pour le conseil, Kammerordnungen, ordonnance financière, etc., l'usage français préfère la formule pourtant plus restrictive d'ordonnance de l'hôtel, qui, il est vrai, est bien présente dans les sources. Un hôtel, maison, Haus, Casa, est partie intégrante de la cour d'un prince, mais ne se confond pas avec l'ensemble de la cour. En effet, les cadres zoliques sont plus englobants que les seuls cadres domestiques. Évidemment, tous ces cadres sont au service du maître, mais non spécifiquement de sa maison, de sa Haushalt. Il en est parmi ces cadres qui sont dévolus à la bouche. On parle d'office de bouche, à l'alimentation en d'autres termes. Il en est qui sont dévolus au corps du maître, jusque dans l'intimité de sa chambre, tandis que d'autres caractérisent des fonctions politique et diplomatique, domaniale et financière, judiciaire, voire, et nous y voilà, religieuse. Il n'est pas envisagé, ni d'ailleurs envisageable, dans le cadre d'une contribution de circonstance, d'explorer ici le personnel ecclésiastique de cour sous toutes ses faces. Les conseillers cléricaux affectés au service politique, et d'ailleurs déjà évoqués hier, n'entreront pas en scène dans ma communication. Le fil rouge, ce sera un corpus de textes. Plus ou moins aisément accessibles à l'heure actuelle, les ordonnances dites de l'hôtel, et je préfère l'expression, on l'a compris, les ordonnances de cour des princes bourguignons et des premiers Habsbourg dans les Pays-Bas, de Philippe le Bon à Philippe le Beau, soit entre 1426-27 et 1506. Soulignons d'emblée que l'ensemble de ce corpus se situe dans une même ligne, une tradition persistante d'usage, de formule, quoique, évidemment, toutes ces ordonnances ne soient pas aussi désertes, ne soient pas de la même veine. Il faut rappeler aussi, typologiquement parlant, que ces textes ne sont pas destinés à fournir une photographie, une image complète d'un entourage, mais que leur raison d'être est double. D'une part, normative, donner des règles de fonctionnement, et d'autre part, financière, établir des répertoires de gages et de pensions. Les Hofordnungen de Philippe le Bon ont fait l'objet en 2005 d'une édition exemplaire par les soins de Holger Kruse et de Werner Paravicini. 6 textes de 1426-27 à 1458, ce dernier surpassant tous les restes en intérêt, interviendront ici. Le même Paravicini a mis en chantier depuis nombre d'années déjà l'édition des ordonnances de l'hôtel de Charles le Hardy, le successeur de Philippe le Bon, mise en chantier qui est en voie d'achèvement sous la responsabilité de Thorsten Hildmann de Münster. des textes de 1472 et 1476 pourront être ici utiles, à la suite desquels viendront deux ordonnances de 1477, en mars pour Marie de Bourgogne, la fille de Charles, en septembre pour son époux Maximilien d'Autriche. Ces textes sont appelés, quant à eux, à figurer dans la suite de la série, dans un troisième volume, en préparation sous la houlette de Valérie Besset. Et puis, je réserverai aussi une attention particulière à plusieurs textes émanés de Philippe le Beau, le fils de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche. Il s'agit particulièrement de textes de 1497, 1500 et 1501. Et cette attention résulte de la responsabilité d'éditer les ordonnances de cour de Philippe le Beau, père de Charles Quint, que m'a personnellement confié Werner Paravicini. Au total, donc, à des degrés très inégaux, une quinzaine de textes pourvoiront en bon grain, du moins j'espère qu'il sera bon, cette communication. Voilà donc pour l'aspect heuristique, voilà donc pour le corpus. Laissons de côté ici des choses que l'on trouve dans ces ordonnances, les fonctions dirigeantes ou à tout le moins ce que j'appellerais des gens de haut rang, des grands commis, chanceliers, hauts fonctionnaires des finances, présidents du conseil de justice, conseillers du conseil ordinaire, maîtres des requêtes, etc., dont d'ailleurs, soit dit en passant, la présence dans les textes bourguignons incite à ne pas parler trop rigidement de l'hôtel, mais encore une fois plutôt de la cour. Pour l'essentiel, les ordonnances répertorient des services traditionnels dits « office », formés en quelque sorte du gros de la troupe et qui sont au nombre de 6. Les 4 offices de bouche, pantrie, échansonnerie, cuisine, fruiterie, puis l'écurie et aussi la fourrière, ces deux derniers pourvoyant à l'organisation des déplacements et des logements. Au sein de la fourrière, pointons, et on verra bientôt pourquoi, la présence, si l'on peut dire, d'une sous-section, la chambre. Évidemment, tout cela s'inspire très fort du personnel en place à la cour royale française, avec ses offices dits aussi métiers, et je ne puis ici que renvoyer aux travaux d'Elisabeth Laloux sur la législation aulique des rois capétiens. Une charge particulière n'est pas absente de l'entourage et des rouages ducaux, puis archiducaux. Je dis archiducaux, évidemment, pour Maximilien et Philippe le Beau, puisque s'ils sont toujours ducs de Bourgogne, en titre en tout cas, et princes des Pays-Bas, ils sont aussi archiducs d'Autriche. Alors, à côté de la charge des bouches et de la charge des corps, de l'approvisionnement et des loisirs, je songe notamment à la chasse, ou de la sécurité, les archers et arbalétriers, voici la charge des âmes. Ici, donc, va entrer en scène la chapelle, une composante de l'entourage princier qui n'est certes pas inconnue, mais il faut bien le constater, qui est essentiellement présente dans les travaux historiques en tant que chapelle musicale, une approche qui ne me retiendra pas ici comme telle. On en oublierait parfois que la fonction originelle de la chapelle est tout de même cultuelle. Le terme chapelle, capella, peut recouvrir plusieurs sens et désigner plusieurs types de réalités. La chapelle caractéristique du Moyen-Âge et même encore du début des temps modernes, itinérante, se signalait avant tout comme une réalité ecclésiastique. Celle de la Renaissance devait prendre, dirais-je, un visage plus institutionnalisé, c'est-à-dire davantage réglementé, permanent, statutairement fondé, pour tout dire politique, parce que cette chapelle devient à ce moment-là un élément de l'État, entre guillemets, en construction. La musique, tant vocale qu'instrumentale, objectif certes déjà présent, mais désormais prédominant, va participer activement au temps moderne à forger l'image d'un roi ou d'un prince. Je crois que dès le XVe siècle, le cas bourguignon illustre cette charnière. De part et d'autre de la charnière, la chapelle est à la fois lieu et groupe de personnes. de statut ecclésiastique persistant, ces personnes, mais qui, affectées à un service religieux sous l'autorité d'hommes d'église de haut rang, vont se spécialiser ensuite dans la chantrerie. Pareille spécialisation est d'ailleurs représentative de l'évolution de nombre de fonctions à la cour. Le premier duc Valois de Bourgogne, remontons encore rapidement un peu plus haut, deux générations avant Philippe le Bon, Philippe le Hardi, devait hériter en 1384 en Flandre, lorsqu'il acquiert la Flandre, de son beau-père le comte Louis de Malle, d'un petit groupe de chapelains. À la fin de son principat, dans les toutes premières années du XVe siècle, la chapelle était forte d'une vingtaine de personnes, nombre qui devait s'accroître par la suite et au dire d'Olivier de la Marche, le mémorialiste et homme de cour toujours bien informé, atteindre la quarantaine sous le quatrième duc, Charles le Hardi. Bénéficiant d'une existence propre, c'est-à-dire séparée de celle de l'autel à partir de 1397, la chapelle ne devait y être réintégrée que par ce même duc Charles, ce qui justifiera d'ailleurs par la suite, évidemment on y reviendra, à côté de la grande chapelle pour les messes chantées, l'établissement d'une petite chapelle pour la célébration de messes basses en l'oratoire privé du prince. Mais attention, et nous le savons déjà, là où les chapelles n'est ou ne sont pas le réceptacle exclusif à la cour, en particulier dans l'organigramme de l'autel de membres du clergé. Le moment est donc venu de parcourir chronologiquement les textes et d'y épingler ces divers membres du clergé. La figure de proue est en 1426-27, que j'ai annoncé comme véritable point de départ, le confesseur du duc de rang épiscopal. Le premier mentionné est alors Laurent Pignon, un homme de plume, évêque titulaire de Bethléem, futur évêque d'Auxerre, qui était déjà au service de Jean sans peur, le fils de Philippe le Hardi et le père de Philippe le Bon. Ce dignitaire apparaît dans les ordonnances ultérieures jusqu'en 1449, année de sa mort. À partir de l'ordonnance suivante de 1458, avec Enguerrand Seignard, lui aussi futur évêque d'Auxerre, on verra se succéder jusqu'au début du XVIe siècle plusieurs réguliers issus des ordres mendiants, tradition française et bourguignonne, carme, dominicains surtout, systématiquement porteurs du titre de l'évêché in partibus de Selivri en Turquie d'Europe, attachés par l'usage à la charge de confesseur ducal. Un aumônier et un sous-aumônier sont pour leur part présents en permanence, de texte en texte, en particulier, j'en citerai un parce qu'il est relativement connu, son nom a déjà été mentionné hier, en qualité d'aumônier avant sa nomination au siège épiscopal d'Arras en 1439, un ecclésiastique de souche italienne, Fortiguerre ou Forteguerre de Plaisance. Suit encore un chapelain des maîtres d'hôtel, c'est-à-dire des chefs du personnel de l'hôtel. Il est à remarquer qu'avant l'ordonnance de 1458, ces hommes ne s'intègrent pas dans une rubrique spécifique, mais ils sont énumérés d'ordinaire, je dirais presque à la sauvette, à la suite des secrétaires. En 1438, on note que le sous-aumônier Mathieu de Braquele est aussi, et j'insiste sur le « aussi », chapelain de la chapelle ducale, et on précise qu'il est seulement gagé à ce second titre et pas à celui de sous-aumônier. Le texte de 1433 désignait déjà pour sa part, en qualité de remplaçant du sous-aumônier précédent, du prédécesseur de De Braquele, un chapelain dit de chapelle. En 1458, se fait jour pour la première fois, une rubrique spécifique, confesseurs et autres chapelains, regroupant ces hommes, le confesseur, flanqué d'un compaignon, sous-confesseur en quelque sorte, un sous-aumônier, d'ailleurs bientôt promu aumônier, le chapelain des maîtres d'hôtel qui est dit ici principal, ce qui, me semble-t-il, n'est pas indicatif d'une hiérarchie, il est tout seul, mais plutôt d'un titulariat. Durant le principat de Philippe le Bon, la composition de la chapelle, quant à elle, si elle n'est donc pas livrée par les ordonnances de l'autel, puisque je vous rappelle que depuis les dernières années du XIVe, la chapelle a été séparée de l'autel, donc on ne la trouve pas dans les ordonnances de l'autel, mais toutefois, cette chapelle peut être épisodiquement connue en recourant à des documents de la pratique par excellence, épisodiquement donc du moins, les listes de gages dites écroées, qui sont des documents magistralement décrits et mis en œuvre pour les ducs de Bourgogne par l'historien allemand déjà cité d'ailleurs comme éditeur Holger Kruse dans son livre Hof, Amt und Gagen de 1996. Ainsi voit-on par exemple, parce qu'on a des écroés pour ce moment, en 1443, que ce service comporte deux premiers chapelains. Alors ici, premier marque la hiérarchie. Ensuite, 14 chapelains et 2 clercs, à quoi il faut ajouter le personnel de logistique qui est chargé du matériel et de l'approvisionnement, à savoir les sommeliers et le fourrier qui ne sont pas, ou en tout cas pas nécessairement, des clercs. Un quart de siècle plus tard, en 1467, on voit toujours d'après des escroés qu'un léger tassement du personnel est intervenu. On n'y trouve plus qu'un premier chapelain au lieu de 2, 13 chapelains au lieu de 14, mais 3 clercs au lieu de 2. Dans une ordonnance inédite, mais qui ne le sera bientôt plus, d'avril 1462, réglementant strictement l'attribution de charges dans l'ensemble de l'administration ducale, le mandement d'exécution énumère, comme de coutume dans ce genre de texte, les grands officiers responsables de l'application des mesures. Qui sont ces grands officiers ? Le chancelier dit de Bourgogne, donc l'espèce de premier ministre, le premier chambellan, le chef du conseil ducal, le chancelier spécifique de Brabant, les commissaires des domaines et finances, les audienciers des sceaux, le maître de la chambre aux deniers qui est le grand comptable de l'hôtel, mais aussi, et non les moindres, le premier chapelain et l'aumônier. Donc, remarquons, le premier chapelain, c'est côté chapelle, et l'aumônier, c'est côté hôtel. Dans sa partie normative, puisqu'à côté des listes de personnes et de gages, il y a aussi les normes. Dans sa partie normative, l'ordonnance de Philippe le Bon de 1458 contient une prescription visant les chapelains de la chapelle et qui limite aux 4 grandes fêtes du calendrier liturgique leur droit de prendre un repas à l'autel, autel dont, je le rappelle, ils ne sont structurellement pas. Les choses toutefois vont bientôt changer. Dans le cadre de sa politique bien avérée de rationalisation, afin de mettre, selon une expression qui lui est sans doute personnellement chère, ordre et règle dans le fonctionnement des services, le nouveau duc, Charles le Hardi, qui arrive au pouvoir en 1467, va intégrer, ou historiquement, plus exactement, réintégrer la chapelle à l'autel, donc après 70 ans de séparation. Est-ce un effet de piété pour que la chapelle soit plus proche de lui ? Ou est-ce l'effet d'une prédilection connue du duc pour la musique ? Les deux facettes de cette composante de la cour qu'est la chapelle peuvent sans doute être envisagées pour justifier la réforme. Piété, musique. En 1469, dans une ordonnance du 1er janvier, Charles va faire réglementer de manière stricte le fonctionnement de la chapelle. Donc vous voyez qu'ici nous progressons sérieusement d'un cran dans l'organisation, du moins d'après ce que les textes nous révèlent. Cette chapelle aura évidemment sa place dans l'important estat de la maison du duc, établi quelques années plus tard par Olivier de la Marche. L'unique ordonnance connue pour l'autel de Marie de Bourgogne, en mars 1477, se réfère, pour ce qui concerne la chapelle, à la réglementation de son père Charles Hardy. Constitue alors cette chapelle un premier chapelain, 12 chapelains, 3 clercs dits de chapelle et le personnel auxiliaire, sommeliers et fourriers. Aucune disposition n'apparaît à son sujet dans les prescriptions statutaires qui font suite, comme de coutume, au répertoire du personnel et de ses gages. Pourquoi ? Sans doute parce que les mesures établies sous le principat précédent demeurent de 16 ans. Notons cependant, c'est l'apparition de l'expression, que la chapelle de la duchesse est qualifiée ici de « domestique de l'autel ». Mais quand on lit toute l'ordonnance, ce qu'il faut évidemment faire, on trouve plus haut que la chapelle, littéralement accroché à l'office de la fourrière, qui, je vous le rappelle, est le sixième et dernier des offices classiques, on trouve donc d'autres ecclésiastiques qui ne sont donc pas de la chapelle. L'aumônier, le sous-aumônier, un chapelain, un confesseur qui n'est pas un évêque, qui n'est pas cité à la première place et qui ne peut donc être celui de la duchesse. Un clerc de chapelle, 2 chapelains des maîtres d'hôtel. Donc il y a encore une dispersion des ecclésiastiques dans la cour, et même dans l'hôtel ici, nous pouvons le dire. Alors les temps de service sont réglés avec précision, comme d'ailleurs pour d'autres membres de l'hôtel. On stipule que chapelain et confesseur seront redevables d'un service permanent, que le clerc de chapelle disposera en cas d'absence d'un suppléant, que les chapelains des maîtres d'hôtel serviront en alternance de 6 mois en 6 mois, à tour, le service à tour, comme on disait. On va voir que cette double présence de groupes d'ecclésiastiques, même si le second que j'ai cité reste non autrement défini, on va voir donc que cette double présence est annonciatrice d'une option qui prévaudra bientôt. Notons encore que dans l'ordonnance de septembre 1977, destinée à structurer l'entourage de Maximilien, prince consort de Marie, il n'est fait état que de 2 dignitaires attachés à l'archiduc. Mais c'est vrai que, disons, n'en déplaise à sa mémoire, l'archiduc Maximilien n'est dans les Pays-Bas qu'une pièce rapportée. Donc 2 dignitaires attachés à l'archiduc, un confesseur, évêque de Célivry, et un aumônier. Ils sont pour leur part inscrits dans une liste assez bigarrée d'officiers retenus et comptés par escroé, au même titre qu'un maître de la chambre au denier. Je rappelle qu'il s'agit d'un officier comptable de l'hôtel, un premier secrétaire, un médecin ou un garde des joyaux. Une déclaration, donc document tout à fait descriptif et non pas normatif, de la dépense et des gages de l'hôtel de Marie et Maximilien vers 1480, contient pour sa part une rubrique « chapelle » dans laquelle sont énumérés confesseurs, aumôniers, sous-aumôniers, chapelains et clercs d'oratoire. Retenons bien ce dernier mot, « oratoire ». Il faut laisser passer 3 lustres avant de disposer d'une autre moisson de textes organisant l'hôtel et plus largement la cour. Il faut dire que les années 1480, début des années 90, sont des années troublées pour les Pays-Bas et leurs princes. Dans une première ordonnance d'août 1495, l'archiduc Philippe le Beau, récemment émancipé de la tutelle de son père Maximilien, annonce seulement en fin de texte que, je cite, « Quant au fait de notre chapelle, sera par nous pourvu ci-après, par l'advis dédit de notre conseil privé, ainsi que trouverons que faire se devra ». Et cela va effectivement se faire, sans trop tarder, lors de l'élaboration d'un texte de mars 1997 que je dirais fondateur d'une pratique durable, essentielle. Désormais, une grande chapelle pour les messes chantées, une petite chapelle dite aussi oratoire, on retrouve le mot, pour les messes basses et pour le service privé du prince. Cette évolution est de toute évidence à mettre en rapport avec l'imprégnation toujours plus marquée de la cour par la pratique musicale, une pratique qui, chez les Habsbourg, se voudra de haut niveau. En 1497, et ça c'est aussi neuf, la Grande Chapelle prend place en tête de l'ordonnance. Pour la première fois, une ordonnance de cour s'ouvre sur la Grande Chapelle. Il en sera ainsi dans les textes à venir, en 1500, en 1501, pour ne pas parler, ils ne me sont pas inconnus, mais je ne m'y aventurerai pas, des textes futurs de Charles Quint. Cette grande chapelle a visiblement conquis le rang d'un office, d'un service à part entière, au même titre que la panterie, les chansonneries, la fourrière, etc. On y trouve 14 chapelains. Souvenez-vous, c'est un chiffre accoutumé, déjà épinglé. L'un est dit premier marque hiérarchique. Deux clercs de chapelle, flanqués alors d'un petit personnel, mais plus élaboré que par le passé. Sommeliers, fourriers, mais aussi porteur d'orgue, porteur de livres et de chapes. La petite chapelle, alors, où est-elle? Oh, il faut chercher. Elle est répertoriée beaucoup plus bas dans l'ordonnance. Elle n'est pas indépendante, elle est au sein de la chambre. Et rappelez-vous que la chambre est elle-même une section de la fourrière, le sixième office. Alors, cette appartenance à la chambre qui est un service que j'appelle de corps, cette appartenance à la chambre souligne à l'envi la proximité de la petite chapelle par rapport à la personne du prince. Ici sont présents le confesseur, de rechef évêque de ses livrées, l'aumônier, deux sous-aumôniers, deux chapelains et deux clercs à dire les basses-messes, fonction spécifique de la petite chapelle, et enfin trois chapelains des maîtres d'hôtel. Trois ans plus tard, le statut de la petite chapelle a changé. Elle n'est plus dans la chambre, mais elle fait immédiatement suite en tête d'une ordonnance de février 1500 à, si j'ose dire, sa grande sœur. La grande chapelle, et puis tout de suite la petite chapelle. Vous voyez encore l'évolution dans la présentation. Pour la grande chapelle, 14 chapelains, dont un premier, deux clercs de chapelle, mais aussi sous la même rubrique un organiste, et de surcroît, quelques mois plus tard, c'est écrit dans la marge du document, qui est un document retravaillé extrêmement vivant, deux engagements supplémentaires de chapelain et chantre. Et d'ailleurs, je n'y insiste pas, je l'ai dit, mais parmi ces hommes, il y a quelques noms bien prisés des historiens de la musique. Quant à la petite chapelle, qui est dite « petite chapelle et esta de son oratoire », elle est maintenant dite « jointe et annexée à la grande chapelle » comme membre d'Issel, et que les suppôts de la dite petite chapelle soient d'ores en avant assignés, appointés et payés avec et comme ceux de la dite grande chapelle. Voyez comme les choses se structurent. Toutefois, si le confesseur, les chapelains et les clercs de messe basse sont là, l'aumônier, qualifié de grand, et les chapelains des maîtres d'hôtel, ils n'ont pas rejoint la petite chapelle à côté de la grande, ils sont toujours dans la chambre, ils conservent toujours leur fonction dans la chambre. L'ordonnance établie à la Toussaint 1501, et c'est la dernière que j'exploite, en prévision du voyage de l'archiduc Philippe et du déplacement de sa cour en Espagne, cette ordonnance donc de la Toussaint 1501 introduit quelques modifications. La grande chapelle est dite domesticaire. Elle était jusque-là placée sous l'autorité du confesseur. Le confesseur est là, mais maintenant cette grande chapelle est coiffée, nouveauté, par un grand et souverain de la chapelle, un homme clé de la cour archiducale dont Hans Kohls nous a parlé hier, il nous en a même montré le portrait, Henri de Berg, évêque de Cambrai, chef du conseil princier, de surcroît chancelier de l'ordre de la Toison d'or, et maintenant j'oserais dire chapeau ou chaperon de la chapelle. Alors, si la chapelle demeure pourvue d'un contingent sensiblement égal de chapelains non autrement qualifiés, elle s'enrichit d'une subdivision, chapelain de haute messe, également dénommé chantre. Il en va de même de deux des quatre clercs qui sont dits servants au grand et petit autel. Vous voyez que, tandis que les deux chapelles se rapprochent, se structurent de plus en plus, l'activité musicale affirme bien sa place. Le texte de 1500 atteste aussi du point crucial atteint dans l'organisation de la chapelle à la cour en ce qu'il contient une rubrique spécifique de statuts et ordonnances pour la grande chapelle. En 1497, il était dit seulement que le premier chapelain, à l'instar des responsables d'autres services, était tenu de contrôler les présences de ses collègues. Désormais, c'est tout un corpus de règles qui est édicté sur les services religieux, le chant, la tenue vestimentaire, le silence. Le premier chapelain doit être garant du bon ordre. Sous le regard et l'autorité disciplinaire du confesseur, qui est à l'époque le dominicain Michel François, on ne donne pas son nom, il est dénommé Monseigneur de Salubrie. Et Salubrie, c'est évidemment Célivry. En dépit de leur petit nombre, les ecclésiastiques de la chapelle constituent formellement, on le dit, un chapitre à réunir une fois par semaine, notamment pour sanctionner les défaillants. Comme il se doit, l'absentéisme est tenu pour une faute grave et doit entraîner des retenues de gages, ainsi que le veut la règle dans l'ensemble de l'autel. Tout cela se situe d'ailleurs parfaitement dans la ligne des dispositions arrêtées par Charles le Hardi en 1469. L'esprit y était déjà, il fallait le renforcer par la lettre. Je dirais pour terminer qu'on peut rapprocher, comme le font des spécialistes de la matière, chapelle curiale et collégiale quant à leur mode de fonctionnement et à l'activité musicale qui s'y développe. Il est d'ailleurs fait état de la communauté de la chapelle, comme on le dirait d'une communauté canoniale. Et il est patent que plus d'un chapelain de la cour a bénéficié de l'octroi de prébendes dans des chapitres des pays princiers. Le cas de la collégiale des Saint-Michel et Gudule à Bruxelles, Bruxelles où réside très souvent la cour, étudié tout récemment dans un article d'ailleurs encore inédit, emporte témoignage, et ce depuis les années 1435-1440. Conclusion. Quand on considère les centaines de personnes qui grouillent au sein des services de l'hôtel ducal Pouy-Archiducal Bourguignon et plus largement de la cour, force est d'admettre que la présence en moyenne d'une trentaine à une quarantaine, sans doute d'ecclésiastiques, y demeure quantitativement limitée. Mais elle est garante du fait que les préoccupations spirituelles, le service des âmes, selon un livre de Xavier de La Celle, en représente une composante à part entière. Nous avons assisté, à travers un peu moins d'un siècle, à une structuration croissante de la, ou plutôt des chapelles, dictée surtout, il est vrai, par la place croissante prise à la cour par la musique. Sous Charles Quint, la tradition de la double chapelle devait se poursuivre. La cour espagnole, la chose est connue, et José Martínez Millán nous l'a bien rappelé hier, adoptant plus d'un usage bourguignon, bourguignon. Pour l'historien des institutions, je dirais que c'est là une butte témoin de plus, d'où il peut embrasser du regard le processus de formalisation et de professionnalisation des rouages d'une monarchie, même si ici il ne s'agit pas encore de roi, mais de prince, une monarchie en devenir au temps de la Renaissance. Je vous remercie.